baboulé, dealer, roule un Mercedes avec chauffeur, je dis stop au propos, lueur, qui sont jamais les payeurs, je dis stop au paradis, disco, pour les stars qui fuient l'impôt, yeah, yeah, je dis stop à la gérance politique, elle n'est jamais pacifique, je dis stop à tous les dictateurs, qui font pression par la peur, yeah. Yeah.